La Grande Catherine, Parfum Brentano. Elle a été l'une des figures les plus extraordinaires de l'histoire. Voltaire la nommait la Sémiramis du Nord. Elle lui inspira le vers devenu célèbre « C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière ». Le charmant prince de ligne, si fin, si intelligent, et d'une pensée si distinguée, l'appelait Catherine le Grand, pour marquer qu'elle avait en elle la force d'esprit et la puissance d'exécution d'un homme d'État. Aussi bien, on la considère légitimement comme la continuatrice en Russie de l'œuvre de Pierre le Grand. Catherine était la fille de Christian Auguste, prince d'Anhalt-Zerbst, qui servait, avec le grade de général, dans les armées du roi de Prusse. Née à Stettin, le 2 mai 1729, dans la religion luthérienne, elle reçut au baptême les prénoms de Sophie Auguste, mais ayant dû se convertir en 1745 à la religion orthodoxe pour épouser son cousin, le grand-duc Pierre Fédorovitch, la jeune fille troqua ses prénoms contre celui de Catherine, plus familier à ceux qui devaient être un jour ses sujets. Ce fut en janvier 1762, à la mort d'Élisabeth, que Pierre Fédorovitch monta sur le trône de Russie. Il avait 34 ans, sa femme Catherine en avait 33. Pierre III était un bien triste sire. Il n'en a pas moins joué un grand rôle dans l'histoire, et dont les conséquences se font sentir aujourd'hui encore par ses sympathies pour la Prusse. Frédéric II était en guerre contre la France et la Russie. À peine sur le trône, Pierre III n'eut rien de plus pressé, non seulement que de planter là les Français et de conclure une paix séparée avec la Prusse, mais il prêta son concours à cette dernière. Or, à cette date, nous n'avions pas les Anglais pour nous, nous les avions contre nous, et l'Amérique du Nord était une colonie anglaise. Louis XV dut conclure le malheureux traité de Paris qui nous faisait perdre la plus belle et meilleure partie de nos colonies. On a reproché à Louis XV l'issue de la guerre de la succession d'Autriche, amenée par la trahison du roi de Prusse, Frédéric II. On lui a reproché l'issue de la guerre de 7 ans, amenée par la trahison du tsar Pierre III. Honnête homme, le roi de France s'était fié en l'honnêteté de ses alliés. De ces événements, qui furent les grands malheurs de son règne, qui doit porter la responsabilité? Comme nous venons de le dire, Pierre III était un lamentable personnage. D'une pensée bornée et d'un cœur abruti, il était menu, malingre, maigriot. Il est vrai que son gouverneur, une vraie brute, nommé Brumeur, bien loin de développer dans son enfance les qualités qui pouvaient se trouver en lui, n'avait fait que les comprimer, le menant à la baguette de fer, comme le roi de Prusse formait ses soldats, allant jusqu'à le ligoter au pied de son lit pour le rouer de coups. Éducation de prince. Sa femme, Catherine, 20 fois intelligente comme lui, avait au contraire reçu à Stettin une éducation des plus distinguées par les soins d'une fine et charmante française, Mademoiselle Cardel. Catherine s'était familiarisée avec nos grands écrivains, lisant et relisant, pêle-mêle et vrai, Bossuet et Voltaire, Molière et Boileau, Brantôme et Montesquieu. En sorte que de cette princesse allemande, devenue impératrice de Russie, la langue coutumière était le français. La grande Catherine pensait en français, comme au reste aussi Frédéric le Grand. Elle écrivait généralement en français, correspondant avec les philosophes du jour, Voltaire, Diderot, D'Alembert, avec Marmontel, Sénac de Mélan, Buffon, Mercier de la Rivière, et avec le baron Grimm. S'efforçant même de se faire une place dans notre littérature, polémiquant avec l'abbé Chappe, écrivant des articles de revue, rédigeant ses mémoires, qui ne comprennent malheureusement pas les années de son règne, et composant des pièces de théâtre et qui ont été représentées. On connaît de la grande Catherine 11 comédies, 7 opéras, 9 proverbes, les uns en russe, les autres en français, sans compter ce qui serait perdu. Pierre III, à son avènement au trône, détestait sa femme, de qui il ne supportait qu'avec impatience l'écrasante supériorité. Il lui fallait quelque chose de mieux à sa mesure et à sa façon, et il pensait l'avoir trouvé en une certaine Elisabeth Baronzov, que les familiers de la cour russe nous dépeignent comme une manière de servante d'auberge et de vilaine mine, jurant comme un crocheteur, louchant de ses gros yeux roux, sentant très mauvais, car elle ne se lavait que de temps à autre et crachouillait au nez des gens avec lesquels elle s'entretenait. Elle s'enivrait lourdement en tête à tête avec l'empereur de toute la Russie, après quoi elle rouait de coups, poursuivant le régime auquel l'avait façonné Brümmer, son gouverneur, et dont il admirait l'application disciplinaire dans les fameuses armées du roi de Prusse. Catherine, de son côté, trouvait des compagnons mieux adaptés à la hauteur de son esprit, en la personne de nombreux amis, et particulièrement de Grégoire et d'Alexis Orloff. L'armée russe, dégoûtée des uniformes et des manœuvres à la prussienne, que lui avait imposé Pierre II, se révolta. Elle acclama la jeune souveraine. Pierre III se réfugia en sa villa de Ropcha, non loin de Peterhof, où il fut rejoint par les Orloff et quelques partisans de Catherine. Tremblant et pleurant, Pierre demandait qu'on lui laissât son violon, son chien, son nègre et Elisabeth Varontsov. Les trois premiers lui avaient été accordés quand on trouva plus expédient de l'étrangler. Alexis Orloff écrivit à l'impératrice que l'accident s'était produit au cours d'une querelle violente avec un de ses compagnons, Baryatinsky. Avant que nous ayons pu les séparer, il n'existait plus. En apprenant la fin tragique de son époux, Catherine éclata en une crise de larmes. Les historiens seront aujourd'hui disposés à admettre qu'elle n'aurait pas été l'instigatrice du meurtre. Toujours est-il qu'après avoir pleuré, elle ne crut pas nécessaire de mener un deuil excessif. Dépourvue de religion, par suite de sa conversion politique à l'orthodoxie et de l'éducation voltairienne qu'elle avait reçue, et de son commerce avec les Voltaires et les Diderot, de mœurs plus que libres et parfois d'un dévergondage scandaleux, Catherine n'en a pas moins mérité par son intelligence, son sentiment très élevé et très vigoureux du gouvernement, son énergie et son activité, le glorieux surnom qui lui est demeuré dans l'histoire. L'annexion des provinces occidentales de son empire, la conquête de la Russie méridionale, après une guerre victorieuse contre les Turcs, la conquête de la Finlande, l'établissement d'une flotte russe dans la mer Noire, la résistance à la tête de la ligne de la neutralité armée aux prétentions des Anglais qui croyaient pouvoir s'arroger le droit de visite, et l'organisation administrative de la Russie, le développement de sa puissance militaire, de généreux efforts pour la création d'établissements d'instruction publique, ont mis sur sa mémoire un grand éclat. Le comte de Ségur, esprit libéral et d'une qualité charmante, a laissé d'elle un portrait à la plume qui mériterait d'être cité en entier, car il a connu l'illustre impératrice dans l'intimité. Catherine était naturellement majestueuse et représentait la dignité impériale d'un air souverain et qui imposait. Elle avait dans les cérémonies publiques si grande allure qu'elle en paraissait grande elle-même, bien qu'elle fût de taille médiocre. Son nez aquilin, son front élevé, l'éclat de ses yeux bleus, le pli de ses lèvres, donnait à son visage un aspect vraiment impérial. Le teint était d'une blancheur éclatante. Elle était très naturelle en compagnie, simple, enjouée, voire familière. Sa conversation avait peu de variété, elle paraissait dépourvue d'originalité, à moins toutefois qu'elle se laissât aller apprécier les grands événements de l'histoire ou à développer les desseins de sa politique. Alors apparaissait l'ampleur et la supériorité de son esprit. Le pouvoir de Catherine était absolu, sans contrepoids d'aucune sorte, et ce pouvoir s'étendait aux limites extrêmes. Un fait, rapporté par le comte de Ségur, en sera un témoignage. L'impératrice avait un banquier très riche, nommé Suderland, qu'elle aimait beaucoup. Elle l'aimait tant qu'elle avait donné son nom, Suderland, à un petit chien qu'elle aimait beaucoup également. Le petit chien vint à mourir. Rencontrant dans un couloir le maître de police, Catherine lui donna l'ordre de faire empailler Suderland. L'officier de police se nommait Relief. Il ignorait l'existence, à plus forte raison, la mort du petit chien. Et voilà que le lendemain matin, le banquier Suderland voit sa maison cernée par un grand déploiement de police. Relief se présente. « Monsieur Suderland, Sa Majesté m'a ordonné de vous faire empailler. Vous dites, de vous faire empailler. Empailler !» s'écrie Suderland. « Avez-vous perdu la raison ?» Hélas non, je puis vous laisser un quart d'heure pour mettre ordre à vos affaires. » Le banquier profite de ce court répit pour faire porter en grande hâte à l'impératrice un billet trempé de ses larmes. « Juste ciel !» s'écrie Catherine en lisant le billet. « Quelle horreur! Olive a perdu la tête. Courez vite délivrer mon pauvre banquier. » Et l'ambassadeur de France ajoute avec raison que l'histoire peut paraître drôle, mais que ce qui ne l'est pas, c'est un régime où des hommes se croient obligés d'obéir à une volonté absolue, quelque absurde que puisse en être l'objet. Le favori de Catherine et son principal ministre, dans les 20 dernières années de son règne, fut le célèbre Grigori Potemkin. C'est lui qui organisa le fameux voyage de Catherine dans la Russie méridionale, en Tauride et en Crimée, pour visiter les contrées nouvellement amenées pour sa domination. On se mit en route le 18 janvier 1787. Le cortège ne comptait pas moins de 14 voitures et 160 traîneaux. Le tout était une formidable machination, avec décors et figurations théâtrales, les mêmes personnages reparaissant d'étape en étape ordonnés par Potemkin. L'impératrice, éblouie, confiante, était ravie. Frédéric II s'était moqué de son petit ménage. Elle répétait, en s'adressant à Ségur, « Eh bien, monsieur l'ambassadeur, comment trouvez-vous mon petit ménage ?» La grande Catherine mourut à Petrograd le 17 novembre 1796, dans sa 68e année, comblée de gloire et de puissance. Son éducation libérale et sa correspondance philosophique, ses relations avec Voltaire et Diderot, ne lui avaient cependant pas fait accueillir favorablement la Révolution française, dont elle n'avait pu suivre le développement et le succès final qu'avec humeur et dépit. C'était « La Grande Catherine » par Feng Brentano.